adéquate, bien adéquate, bien en dessus de ça, bien adéquate à l'équateur, bien en dessus de toi. Ça fait des mois qu'on ne se parle pas, que je te crie, que tu me réponds pas, bien adéquate, bien en dessus de toi. Bien en dessus de toi, bien adéquate, bien à l'amant, je ne réponds pas. Bien adéquate, bien en dessus de toi, bien au-delà, bien au-delà, bien en dessus de ça, bien en dessus de ça, bien à l'amant, bien adéquate, à l'équateur. Bien en dessus de toi, bien en dessus de ça.